Nous allons analyser la conscience comme conscience d'objet. En effet, être conscient, c'est être conscient de ce qui se trouve face à moi. Étymologiquement, l'objet, c'est ce qui est jeté, posé là. Donc, un objet, c'est ce qui m'apparaît, ce dont je suis conscient. Le sujet, donc l'être conscient, se définit en partie, du moins, par rapport à des choses qui lui apparaissent et dont il se distingue. Il se distingue des choses qui sont autour de lui. C'est un petit peu dans le rapport avec ces objets extérieurs, un rapport qui est d'abord sensible, c'est-à-dire qui repose sur les sens, que la conscience du sujet se forme. En effet, si on examine un petit peu la genèse de la conscience, sa formation, bien au début de son existence, le nouveau-né, il n'est pas encore vraiment conscient de la dissociation, de la séparation entre son moi, ce qu'il est lui-même, et le monde extérieur. Dans les premières semaines de son existence, l'être humain vit dans une forme d'indifférenciation, de confusion. Voilà, il n'y a pas vraiment, il sent pas vraiment où est la limite de son corps et ce qui est un objet extérieur à lui. Par exemple, typiquement, le parent qui le prend dans ses bras, le petit enfant ne perçoit pas encore vraiment la séparation. Les objets avec lesquels il est en contact sont éprouvés comme une sorte de prolongement de son être, d'où en fait une forme d'unité qui peut exister entre le nourrisson et puis l'adulte qui prend soin de lui au début de sa vie, le plus souvent sa mère hein, dans les faits, et puis en fait ce qui peut provoquer, enfin, en tout cas ça c'est une des hypothèses qu'on examinera en étudiant Freud, l'hypothèse que la séparation et l'autonomisation du jeune enfant vis-à-vis de ce parent, plus souvent la mère, eh bien, ça va être à l'origine de douleurs psychiques. Alors, pour étudier un peu plus en détail ce processus de maturation de la conscience à partir de la conscience d'objet, on va lire un texte du psychologue Jean Piaget, qui extrait d'un article qui s'appelle Le développement mental chez l'enfant. Tandis qu'au point de départ de ce développement, le nouveau-né ramène tout à lui, ou plus précisément à son propre corps, au point d'arrivée, c'est-à-dire lorsque débutent le langage et la pensée, il se situe déjà pratiquement, à titre d'élément ou de corps parmi les autres, dans un univers qu'il a construit peu à peu et qu'il sent désormais comme extérieur à lui. Vous voyez, dans ce premier passage, il nous dit, tout début, il y a cette indifférenciation entre l'enfant, le nouveau-né et le monde autour de lui, et puis progressivement, il apprend à séparer, à s'identifier comme distinct du monde autour de lui, et c'est au cours de ce processus que sa pensée se structure. Bon, je reprends la lecture. Au point de départ de l'évolution mentale, il n'existe à coup sûr aucune différenciation entre le moi et le monde extérieur. C'est-à-dire que les impressions vécues et perçues ne sont rattachées ni à une conscience personnelle sentie comme un moi, ni à des objets conçus comme extérieurs. Elles sont simplement données en un bloc indissocié, ou comme étalées sur un même plan, qui n'est ni interne ni externe, mais à mi-chemin entre ces deux pôles. Ceux-ci ne s'opposeront l'un à l'autre que peu à peu. Or, par le fait même de cette indissociation primitive, tout ce qui est perçu est centré sur l'activité propre. Le moi est d'abord au centre de la réalité, précisément parce qu'il est inconscient de lui-même, tandis que le monde extérieur s'objectivera dans la mesure où le moi se construira en tant qu'activité subjective ou intérieure. Autrement dit, la conscience débute par un égocentrisme inconscient et intégral, tandis que les progrès de l'intelligence sensorimotrice aboutissent à la construction d'un univers objectif dans lequel le corps propre apparaît comme un élément parmi d'autres et auquel s'oppose la vie intérieure localisée dans ce corps propre. Vous voyez, là, dans ce passage, Piaget essaie de nous expliquer comment progressivement, ça fait en un certain temps, le bébé va apprendre d'une certaine manière à se distinguer du monde extérieur et à se faire l'idée du moi, d'une certaine façon. Donc, selon Piaget, les différentes facultés mentales se développent progressivement du fait des interactions entre le sujet et les objets de son environnement extérieur, avec lesquels il interagit de façon pratique, d'abord par des gestes élémentaires tels que la succion ou l'appréhension. On peut penser, voilà, l'enfant qui va manipuler des cubes ou des jouets, qui va les mettre dans sa bouche. Bon, donc certains objets vont constituer des obstacles à la satisfaction des besoins du petit enfant. Et afin de surmonter ces obstacles, l'enfant se trouve contraint de perfectionner ses facultés mentales élémentaires et d'incorporer dans son régime d'action et de pensée un certain nombre de nouvelles interactions, de nouvelles facultés mentales. Donc la conscience, elle se forme dans cette espèce de dialectique, hein, d'opposition entre assimilation de données extérieures et puis ce que Piaget appelle l'accommodation, c'est-à-dire le fait d'intégrer dans sa structure de pensée de nouvelles manières de penser, de nouveaux schèmes d'action, hein, c'est comme ça le terme qu'il emploie, ce qui va donner lieu à une modification de la pensée. Et donc, c'est dans ce processus, cette confrontation aux objets, que le petit sujet humain structure sa conscience. Donc, ce sur quoi il insiste, c'est qu'il y a une espèce de lien indissociable entre dans le rapport entre sujet et objet, au cœur de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle se forme dans ce processus, et c'est par la différenciation par rapport aux objets que la conscience se structure. Alors, cette analyse psychologique de la formation de la conscience, elle peut nous donner à penser qu'il y aurait une forme de primat de la conscience d'objet par rapport à la conscience de soi. C'est-à-dire que ce serait à partir de l'appréhension des objets autour de nous que nous nous formerions une idée de nous-mêmes par différenciation vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire d'abord je perçois l'objet extérieur, voilà, l'enfant perçoit le cube, et c'est en opposition au cube qu'il se dit, ah ben, ce cube n'est pas moi, je suis un autre corps. Bon, voilà, pour formuler verbalement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette analyse-là, qui met en premier lieu la conscience d'objet et qui fait découler la conscience de soi de la conscience d'objet, elle peut être discutable sur certains points. Notamment Emmanuel Kant, il oppose à cette analyse psychologique de la conscience ce qu'il appelle une analyse transcendantale de la conscience. Une analyse transcendantale, ça consiste à mettre en évidence les conditions de possibilité de quelque chose. Expliquer, hein, pour que ce soit un peu plus clair, Kant souligne que la conscience de soi, c'est en quelque sorte la condition de possibilité générale de la conscience des objets. C'est-à-dire que il inverse un peu ce rapport. Il ne nous dit pas, Piaget nous disait d'une certaine manière, il y a d'abord la conscience d'objet, la conscience de soi découle de cette appréhension des objets. Bah, Kant nous dit, bah, oui, mais en même temps, il ne peut pas y avoir de conscience d'objet sans conscience de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la conscience d'objet, par exemple, si j'ai conscience d'une table, d'une chaise, d'un arbre, ben ça présuppose qu'il y a bien un sujet, qu'il y a bien quelque chose qui a conscience. Hein? Si j'ai conscience d'une table, c'est bien parce qu'il y a un jeu. Donc ce que nous dit Kant, c'est que toute conscience d'objet présuppose un sujet conscient. Chaque état de conscience visant un objet déterminé, voilà, une table, une chaise, etc., et ben cet état de conscience, il doit pouvoir être rapporté à un sujet qui devrait donc avoir lui-même conscience de lui-même en tant qu'unité à laquelle se rapporte une diversité d'états. On verra ça un peu plus en détail dans la partie sur la conscience de soi.